Nous sommes en ligne. Nous sommes à la radio. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Nous sommes à la radio avec une table un peu bancale. Oui, du coup, c'est comme si on était en bateau. Oui, on a un peu l'impression d'être dans un bateau. Ouais, à la médiathèque, on a souvent l'impression qu'on est dans un petit bateau en bois. Donc nous sommes à la médiathèque, NGHE, pour une nouvelle émission de radio dans la continuité de Chansons Partout, où nous avons invité plusieurs personnes à parler de chant et de rapport au chant. Mais aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale, puisque notre... plus qu'invitée d'honneur, enfin celle qui va guider et proposer l'émission d'aujourd'hui, c'est Anita Rouas, qui est... Anissa Rouas. Bah oui, tu l'as déjà dit 100 000 fois. Oui, je sais pas, c'est l'émotion d'aujourd'hui, parce que c'est on est dans l'émotion quand même. Aujourd'hui, on va parler de choses émotionnelles, sûrement, on verra. En tout cas, Anissa, c'est toi qui vas guider l'émission d'aujourd'hui. L'émotion d'aujourd'hui. L'émotion d'aujourd'hui. Count Your Blessing, c'est l'intitulé d'aujourd'hui. On va parler de bénédiction et nous sommes avec plusieurs invités. Oui, je vais les présenter. Alors, j'ai ici à ma droite Ruxana Zuber, Joris van Heemskerk, Caroline Deich, Mathilde Maya, que vous connaissez. Voilà, et on va... Clément, qui a la technique. Nous avons avec nous aussi Anna et Tiffen. Voilà. Et ben voilà, on est parti. Là, il fait pas loin de zéro dehors, mais je peux vous dire ici, il fait 32 avec toutes ces belles personnes et l'ambiance ici. On va peut-être commencer par le petit voyage sonore du Maroc. Un petit voyage introductif avant qu'on plonge dans le sujet. Avant qu'on va faire ça. Un petit voyage sonore introductif. Alors voilà. Un petit voyage sonore introductif monté par Anissa. Je lance. الرداء الوالدين أنا اسمي إسراء وأصلي حيون وأمي وأبي يقولوا لي ارضع لك لماذا؟ لأن أقرأ جيدا أفعل فارس فهمتيني واخر الكلام احسن حاجه عندنا هو العرس المغربي كنحتفلوا به مزيان كتكون واحد النهار عندنا النقيش ولا غادي كيكون ان شاء الله الدور ديال العروسه بالنقافات والزيانات وكنعملوا احسن ماكله كنعملوا بسطيله بالحوت ولا دجاج باللحم ومن بعد الديسير فروطه ولا طارت كلاصي ومن بعد ان شاء الله كنعملوا كيكون الصباح ديال العروسه كنعملوا لها الحزام كنفرحوا بها واخر الكلام كنقولوا ديك الصلاه على رسول الله إلى الجاهل جا سيدنا محمد اللهم عجل علي تبارك الله وصلت عليك رسول الله العاشقين في النبي صليوا عليه والسلام عليكم وعليكم السلام والله يلاقينا في سعاد الخير والله يرفع علينا هذا الوباء اللي قال لي الحاجه اللي كتفرحني هي كنخرج كناكل لا كلاص كنتجمع مع العائله هادشي هو اللي كيعجبني انا اللي كتقول عزيزه الله يفرج لك الرضا ديك الساعه كنحس انا فرحانه من قلبي تجدي اللي كيقولها لي ماما ابا هوتي تاهما كيقولو خايك كبير اللي عندو 11 هاتي هما اللي كيقولو لي عندي عزيزة كنفرح كنتجمعو كاملين وكنفرحو كنتجمعو شي قهوة ولا شي بانيدريا ولا شي حاجة هاتي هما اللي كنعملو Là, on est sur la fin de l'enregistrement où j'expliquais que c'est un enregistrement que j'ai dû faire vers 4 heures du matin, la prière de l'appel à la prière à l'aube à Tanger, en l'été 2021. Et là, on entend plusieurs voix, on ne les entend pas très bien, mais il doit y avoir 5-10 mosquées, 10 hommes là, qui appellent à la prière en même temps. Et Je souhaite vraiment d'entendre ça en vrai parce que c'est des voix qui viennent d'un peu partout de la ville, qui se superposent et qui appellent à la prière. Et on entend les oiseaux aussi en même temps, les coqs. C'est un son magique, vraiment. Et voilà, c'est ça qu'on entend là. C'est le mélange des voix. Quand j'étais petite, je dois vous avouer que quand je dormais chez mes grands-parents en ville, les sons étaient beaucoup plus forts parce que c'était vraiment dans la petite ville et j'avais très très peur. Ça me réveillait la nuit, ça me faisait très très peur. Et puis, à force de les entendre, c'est devenu quelque chose de rassurant et de magique en fait. Et ça fait partie vraiment des choses, c'est pour ça que j'ai enregistré ça, ça fait partie des sons de mon kit de survie, des sons qui font du bien et qui te protègent. Et qui, à mon avis, c'est qui peuvent donner cet effet, même si on n'est pas croyant, peu importe, voilà. Et aussi, j'aime bien que ça soit parti de quelque chose qui fait peur et qui, au final, tu transformes en quelque chose qui te protège et qui apporte de la beauté. Et la beauté, ben, ça protège aussi. And, on parle à propos de beauté. Les petites filles, dans les débuts de cette... Ah oui, c'est qui? La petite fille, la toute première? Oui. La toute première fille, Sundus, oui, qui parle des... Non, c'est Isra. elle voulait donner une espèce de petit cours magistral sur les bénédictions, parce que je lui disais que je l'enregistrais à propos des bénédictions. Et c'est pour ça qu'elle rigole beaucoup, parce qu'elle a vraiment pris le ton d'un professeur, enfin d'une institutrice qui dit « La bénédiction des parents, voilà comment ça se passe. Et si vous faites votre lit, vous recevez une bénédiction. Et quand on balaye aussi, on reçoit une bénédiction. » Elle rigole, et les autres petites filles rigolent aussi, parce qu'elle a vraiment essayé de donner un petit cours comme un professeur sur les bénédictions. Voilà. Et il y a aussi les femmes qui chantent, ce sont mes tantes qui, pendant un goûter, elles font ça souvent. Il y en a une qui commence à taper sur la table ou sur le plateau métallique. Là, elles n'ont pas fait de rythme, mais c'est souvent comme ça. Et elles chantent, et tout, qui veut rejoint. Et voilà, en fait, tout ce petit voyage sonore, c'est des extraits de ce que j'ai enregistré au Maroc l'été 2021, qui fera l'objet d'un autre podcast plus long. Mais c'est des moments bénis pour moi. Rien que d'entendre leur voix, ça me remplit vraiment de joie, et ça me met à un endroit très sécurisant. Et voilà, je voulais partager ça. Et voilà, leur voix, les chants, les explications, même l'accent. L'accent qu'elles prennent, ça me rappelle tellement de belles choses de mon enfance. Et voilà, c'est ça que je voulais partager, que je partagerai dans un enregistrement un peu plus long qui expliquera plus. Voilà. Et alors, là, donc on vient de faire un petit voyage. Et alors, est-ce que toi aussi, tu peux nous raconter un peu, Anissa, le petit voyage qui fait que, justement, aujourd'hui, on parle de bénédiction. Qu'est-ce qui fait qu'on est autour de la table aujourd'hui avec aussi Yoris et Roxana pour parler de ce sujet aujourd'hui? Alors voilà, c'est un voyage qui a commencé en 2014 à cause de Myriam Van Imscoot, qui m'a invité au groupe Youyou. Elle avait commencé un projet sur les Youyou, donc ce cri de joie. Et ça a commencé là. Moi, je faisais des Youyou dans ma famille, à des occasions, mais je n'avais jamais réfléchi sur les Youyou ou imaginé qu'on puisse travailler ça. Donc j'ai découvert tout un univers vocal et imaginaire autour du Youyou grâce à Myriam. Et puis j'ai vu au fur et à mesure des années comment ça a transformé ma vie, tout le travail qu'on faisait avec elle. Comment ça a transformé ma vie et celle d'autres femmes dans le groupe qui le disent. Et ça a transformé aussi ma pratique artistique vocale. Je n'aurais jamais soupçonné tout ce que le Youyou allait m'apporter. Et dans ce voyage du Youyou, on a eu une formation de 2 ans à propos des transmissions d'héritage de patrimoine immatériel, de matériel culturel. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré Roxana, avec qui on a travaillé aussi pendant 2 ans, avec Myriam. Et là, Roxana m'a... C'est aussi à cause d'elle que je suis ici. Elle avait parlé, elle est venue une fois nous expliquer, nous raconter le principe des manteaux de protection. Et là, j'ai adoré, parce que c'est des choses qu'on sait, mais que je ne savais pas que quelqu'un avait vraiment travaillé là-dessus. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'elle va vous expliquer. Et on pourra passer tout à l'heure un petit extrait des Youyou. Ah, mais Caroline et moi, on vous fera des Youyou en live. Voilà, c'est ça. C'est prévu. Ce que je voulais dire, j'en profite aussi pour dire qu'on vient de manger un délicieux poulet cuisiné par Fatima Zahra, qui est aussi dans ce groupe. Du Youyou Club, du Youyou Group. Ouais. Et Roxana, donc comme je disais, aujourd'hui, elle est quand même venue de Bredene. Elle a fait le voyage avec Yoris pour nous expliquer ce principe de manteau de protection qui en néerlandais s'appelle de beschermingjassen. Et donc, Roxana va nous expliquer, elle est là avec ses poupées en bois, elle va tout vous expliquer. En néerlandais, elle va s'exprimer, mais en néerlandais, et Yoris va traduire. Merci. Voilà, je te donne la parole, Roxana. Ok, dank u wel, Anissa, voor mij uit te nodigen. Dus ik ga jullie vandaag vertellen over de methodiek van beschermjassen. Ik zal eerst beginnen hoe ik aan die methodiek begonnen ben. Dus in 2021. Dus Roxane, zelf vertellen hoe elle va commencer à raconter comment elle a commencé avec la méthodique de ces objets qui vont vous protéger. Et sur la table, je vois tous les petits poupées dans différentes couleurs, comme en céramique environ de 4 à 5 cm, avec des petites boîtes, même comme un cercueil d'un funérail. Et aussi, juste à côté du micro de l'enregistrement, une petite boîte comme une petite caisse des pirates avant qui ont trouvé un trésor quelque part, avec des petites poupées qui sont autour de cette caisse là-bas. Et quelqu'un comme un petit roi qui est sur une chaise là, avec une sorte de trône comme un calife. Voilà. Oké, dus in 2021 ben ik in Theohuis gestart en daar gaf ik therapiegesprekken aan jongeren van 10 tot 20 jaar. En 2000, elle était en train de travailler à Ostende dans la réunion sociale avec des jeunes et puis elle est arrivée à ce constat qu'elle va dire maintenant. En dankzij door Theohuis heb ik ruimte gekregen om meer na te denken hoe dat we jongeren met migratieachtergrond meer kunnen betrekken bij therapiesessies. Alors elle a commencé à penser comment est-ce que je peux trouver des moyens pour les gens qui sont juste arrivés, qui ont fait cet grand mouvement d'une culture à l'autre, de les commencer à ouvrir pour accepter la culture d'ici. Et alors, elle a commencé avec ça. Tijdens bij Theo kreeg ik opleiding van poppen en verhalen. Dat was mijn Lego en Playmobil popjes. Avec Théo, elle a commencé à avoir des cours pour faire des histoires, des contes de fées, mais aussi des histoires concernant avec des objets qui aident à comprendre ce qu'on raconte. C'est très visuel, surtout pour les gens qui ne parlent pas encore la langue. Enfin, c'est très visuel. Tijdens de opleiding kreeg ik de opdracht om mijn eigen gezin ook in beeld te brengen, maar ik miste de juiste poppen met de juiste huidskleur. Dus daarom heb ik deze poppen zelf beginnen maken dan. C'est très important parce que elle n'avait pas toujours les couleurs des peaux pour raconter des membres de la famille qui sont avec des couleurs différentes. Alors elle n'avait pas des poupées pour comme est-ce que je peux dire ça qu'on va dans un magasin et qu'on trouve pas des poupées bruns, des choses comme ça. Sorry, des poupées de couleur. Voilà, continuez s'il vous plaît. Oui. De docent gaf mij aan, ja, anders gebruik gewoon bijvoorbeeld een sjaal of nee, dat gaf mij geen goed gevoel. Ik wilde gewoon een popje nemen dat ook bij mij paste. Van daaruit heb ik dan zelf beginnen schilderen. Ah, le monsieur qui apprenait à Roxane, quand tu n'as pas de poupée, tu prends une châle ou quelque chose, un objet folklorique du pays, là, mais pas des gens. Ou pas mais elle voulait des poupées pour représenter des gens, pas des châles, pas des objets, des poupées. Want je wilt je niet altijd overal aanpassen. Voor mij was een trigger van... Ja, overal, elke situatie dat je er niet bij hoort, dat je moet aanpassen. Ik wou een aanbod hebben waar je ook deel uitmaakt, dat ik erbij hoort. Voilà, c'est ça qu'elle dit. Elle veut pas chaque fois complètement changer avec les vêtements, tous les costumes, etc. Elle dit, elle veut aussi être part de où on vient, mais en même temps quand même garder quelque chose de sa propre personne. Dus ik ga ook nu stilstaan bij de methodiek van de beschermjassen. Dus dat is gebaseerd op van Kathleen vanuit Nederland. Kathleen in Hollande, il a commencé à parler des manteaux de protection. Des manteaux de protection. Alors, je vais écouter. Dus zij staat stil over faseovergangen in je leven. De faseovergangen, dat is zoals migratie, zoals geboorte, ziekte, een overlijden. Dus alle mensen maken die faseovergangen mee. Tous les gens ont des phases dans leur vie, la naissance, disons les premières fêtes de jeunesse, aussi le mariage, la fin, les funérailles, etc. Mais aussi quand on est immigré, par exemple, le changement des cultures et tout ça, il y a des phases là-dedans. Dus je merkt ook, dus bij Kathleen, naast de individuele kijk, de kijk dat we hier opgroeien, als je ook meer oog voor de groepscultuur. Dus waar het gezagsfiguren, gezagsdragers, ook een plaats onkels, oma, opa, tantes, een plaats krijgen in het geheel. Ja, dus c'est comme ça que dans cette culture aussi, qu'il y a une place aussi pour les oncles, les tantes, la famille, qu'il y a une sorte de tâche, de différence de tâche pour... moi, je ne sais pas très bien... Je ne trouve pas le mot pour le moment. Il faut voler un petit peu, continuer pour expliquer. Dus zij wil echt de kracht van de families ook inzetten... Ja. Om als er situaties zijn, ook om daar aan te doen. Niet enkel de één individu van daaruit te vertrekken, maar de kracht van de familie. Je comprends maintenant mieux. C'est que dans toute famille, il y a une puissance là-dedans, même les différents âges et tout mm-hmm. ça, que les oncles, tantes, les grands-mères, etc. Mm-hmm. Que tout ça ensemble, c'est une grande force pour aussi faire une sorte de transition. C'est ça, hein? Oui. Transition. Ik ga eerst de drie fasen opnoemen van tijdens een verandering van de situatie. En dan ga ik twee situaties, casussen uitleggen dat ik nu meegebracht heb. Oké. Okay. Ruxana, qui a beaucoup d'expérience là-dedans, va expliquer les trois phases et aussi de sorte de vraiment de typique, des exemples typiques qui illustrent ces trois phases. Dus bij faseovergang heb je één situatie, dus dat je het oude achter jou laat. Dat is dan afscheid nemen van het oude. Il y a une phase, la première, c'est prendre adieu d'où on vient. C'est prendre adieu du passé, prendre adieu de tout ce qui reste derrière vous. C'est une rupture totale, presque. Bijvoorbeeld, je migreert van ene land naar andere land. Wat verlaat je achter? Je familie, je taal, je huis, je huren, je kleuren. Dus dat laat je achter. Dat is afscheid nemen. Vous prenez adieu de tout ce que vous êtes familier, comme la cuisine, la maison, la manière de parler, etc. Et tout ça, on laisse derrière soi. Et vous êtes dans une complète nouvelle situation. Voordat je naar de laatste fase komt, kom je in een tussenfase. Dat noemde liminele fase of de kwetsbare fase. En arrivant dans la nouvelle état, vous avez une phase qui est très vulnérable. C'est une phase où vous devez accepter des choses et en même temps, vous êtes très... très faible là-dedans parce que là, c'est une sorte d'incertitude, mm-hmm. une certaine. Je laat alles achter. Dus... Tout est derrière, yes. Ja. Je bent kwetsbaar. Vous êtes très vulnérable, oui. C'est oui. Dus lijkt dat je lege handen hebt. C'est comme vous avez des mains libres. Je hebt achter je gelaten, maar het nieuwe is nog niet op je pad oui, gekomen. Oui, et vous n'avez encore rien dans les mains. Dat is de fase tussenin. La phase entre les deux. Die moeten we heel goed verzorgen. Il faut être vraiment là-dedans. Il faut bien soigner cela. Maar als we dat niet doen, als nieuwe situaties zich voorkomen, gaan alle oude pijn weer naar boven komen. Oui, si on ne fait pas cela, on se grimpe comme un maman, ou quand on coule, on veut comme une bouée de sauvetage, on va de nouveau vers le passé. C'est ça. Oui, en als okay. we dat wel doen... Dan kunnen we integreren, hernemen een nieuwe situatie, kunnen we nieuwe dingen opnemen. En si on fait ça, si on fait un effort pour vraiment aider dans cette phase-là, on peut employer cette force de cela pour aller dans la troisième phase, c'est ça? Ja, dat is dan de integratie, de réintégration. C'est la réintégration, c'est ça. Ik heb hier twee situaties mee. Ik kan een voorbeeld geven aan de hand van mijn poppen. En la deux situations, Roxana, deux situations qui vont bien expliquer cela. Je vais aussi essayer de traduire cela pour vous. Oké. Okay. Hier heb ik drie Afghaanse jongens. Je vois trois poupées sur la table. C'est joli parce que ça brille leur tête. Ils ont des têtes noires, des visages brunes. Ils ont des couleurs, disons, presque bleu ciel. Et un qui est un peu vert. Presque le vert des drapeaux qui ont gagné. C'est ça, hein? Oké, okay, dus drie jongens. En hier heb ik een rode lijn getekend. Hier heb ik de hulpverlening die hen willen helpen. Oui, et ces trois jeunes qui sont là habillés en bleu, ils sont devant une ligne rouge, encore une couleur de cette même pavillon. Et à l'autre côté, il y a monsieur blanc qui est c'est couleur ivoire avec une tête en beige. De rode lijn duidt aan dat de drie jongens aan de hulpverlening geen communicatie met elkaar hebben. Zij draaien met hun rug om naar de hulpverlening. Aha. Ces trois qui sont habillés en bleu, ils sont en train de regarder l'un l'autre. Ils ne regardent pas au monsieur blanc. Et le monsieur blanc, il est là, mais c'est impossible parce qu'il y a une ligne rouge entre eux et il n'y a pas de communication. Hier toon ik aan, niks meer horen, niks meer zien. Ze hebben geen communicatie met elkaar. Juste au milieu, elle a mis un poupée brun. Et c'est comme les trois singes, on ne peut rien attendre, on ne peut rien voir et on ne peut rien dire. Dus de hulpverlener wou samen met de drie jongens koken in een instelling. Zij hadden zelf voor gezorgd dat ze halal vlees gekocht hadden, maar de jongens geloofden niet dat halal vlees was. Rituel, Le monsieur Blanc, il avait acheté de la viande qui était halal. Mm-hmm. Et il dit ça aux jeunes et les jeunes ne le croient pas. Ja. Parce qu'il n'y a pas de communication. Ja. De drie jongens waren opgevoed in een systeem met gezagdragers, zoals bijvoorbeeld een opa, een papa, een onkel, die de regels in het systeem bepaalden. Les trois jeunes, juste derrière eux, sur la table, il y a le trône, enfin, un trône, une sorte de chaise pour un roi, mais c'est la chaise du chef. Et ils ont été éduqués dans une éducation patronale, comme ici, il y a 100 ans, 50 ans, où le père dit, voilà, c'est comme ça, et voilà, pas de discussion. Ils sont là, sur la fauteuil, et il est plus haut aussi que les autres. Mmh. On voit ça, il est le patron, ici, sur la table. De groenen, dat zijn de gezagsteuners. Zij gaan de regelsystemen wat de gezagsdragers bepalen, meesteunen. Dus daarom heb ik een kist gemaakt met regels. Alles wat de generatie... Ah, c'est pas un trésor. Sorry. Je vois sur la table trois figures vertes. Et le grand patron dans son fauteuil. Et derrière, où je croyais que c'était un grand coffre avec les bijoux d'Ali Baba ou des pirates. Non, c'est pas ça. C'est un grand coffre, pas avec des bijoux, mais c'est un grand coffre avec tous des règlements. Ja, regels wat de familie wil doorgeven aan de volgende generatie. Pour les intellectuels, un coffre avec Kafka. En hier heb ik een wit popje. Dat is iemand die de regels overtreedt, niet volgt wat de gezagsdragers en steunen willen doorgeven, wil zuurstof binnenhalen. À côté de coffre, à gauche, il y a une petite poupée qui ne suit pas ses règlements. Et il y a devant ce grand coffre, il y a trois poupées qui sont là pour protéger les règlements. Et à l'autre côté du coffre, le grand chef. Et le grand chef, il n'aime pas ça. Dus de drie jongens, zij waren opgegroeid in zo'n systeem. En de hulpverlener stelt hen individuele vragen. Bijvoorbeeld, jij moet nu dit doen, jij moet nu dat doen. Maar in hun systeem bepaalde de rest de regels hoe dat zij moesten gedragen. Nu valt dat allemaal weg. Ja, à gauche de ligne rouge, le figure blanc... qui n'a pas de communication avec eux, commencer à expliquer à leur comment ils doivent suivre les règles. Mais ces règles ne sont pas de son côté, les règles sont tout près du monsieur qui est sur la chaise. Alors, et tout ça tombe, parce que les règles d'antan ne correspondent pas toujours avec ce qui est de l'autre côté de la ligne rouge. Dus beide waren niet op de hoogte, ze allebei op een andere manier naar de situatie keken. En daardoor was er geen goede communicatie. En les trois jeunes qui sont là, habillés de bleu, ils ne se rendent pas compte que le chef A, qui est blanc, qui est de l'autre côté de la ligne rouge, et l'autre là, qu'ils ont connu avant, c'est pas sur la même fréquence et que c'est complètement... Pour eux, c'est une rompure, c'est comme la glace qui casse. Dus wat heb ik gedaan om deze situatie open te trekken, zuurstof binnen te halen, dat er terug communicatie was? Qu'est-ce qu'elle a fait, Roxane, pour avoir quand même communication et traverser la barrière rouge? Ik heb een Afghaanse mama gehaald. Elle a allé chercher une mère afghane. Die hun taal sprak. Qui parlait leur langue. Die hun eten gemaakt had. Qui a très important. Ah. Hein. Qui a préparé à manger. Dus zij gingen terug in de beleving van die geuren, oui. Kleuren, smaken, c'est familie. C'est tous les odeurs, oui. Ça dit qu'ils sentent les odeurs de cette, C'est magnifique, hein. Sorry, c'est plus une traduction, excusez. Hein. Mais je suis ému quand je vois les poupées ici. Hein. Mais je comprends très vite. Hein. C'est comme les Flamands disent, c'est de stoverie de ma mère. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va, oui. Is it, it's heel simples ja. Dat heel veel verandering kan brengen. Oh, oui. Door die mama hier binnen te brengen, voilà. Plots hebben ze wel contact met oh, elkaar. Oui. Dus luister ze wel naar de hulpverlener. Fantastique, hein? Ja. En apportant la maman et l'enfant, qui est en fait quelque chose d'innocent, hein, et qui commence à préparer à manger, oh, avec une odeur pour avoir des frissons, parce que c'est tellement bon qu'ils ont quand même commencé à avoir des contacts. Dus dat, die mama was hun beschermjas, wat hij voilà. Hier aanwezig was. Elle terug in bed. La maman était le manteau protecteur. Oui. C'est un peu masculin, maton protecteur, mais elle est protectrice. La veste protectrice. La veste protectrice. Voilà. On m'aide ici, hein, parce que Anissa est francophone. Hein. Magnifique. Hein. La veste protectrice. Oui, c'est difficile pour moi. Comme ça, masculin, on va choisir. Oui, oui. On va choisir la veste protectrice. Hein. La veste protectrice. Dites-le, Ruxandre. La veste protectrice. Ah, oh, c'est ça. C'est okay. Ça. Ik heb nog één situatie. Mag ik dat nu uitleggen? Of? Oui, oui. Ja. Okay. Si c'est pas trop, je dis pas. Ah, oh, oké, okay, merci. Dus hier heb ik een situatie rond die liminele fase, waar je kwetsbaar bent. Als je dat niet goed verzorgt, dat je iedere keer terugkeert naar de pijn. Ah oui, j'ai en face de Roxane, il y a un groupe de figures, comme des enfants, des adultes, des, aussi des adolescents, à gauche et à droite. Et ça, c'est un peu effrayant, parce qu'au milieu, il y a un cercueil qui est un peu ouvert. C'est comme quelqu'un qui va faire la résurrection. Ik ga uitleggen, dus gebaseerd op een verhaal. Ik ga die verhaal dan uitleggen. En waar komt hier maintenant l'histoire? Oké, hier hebben we mama, papa en een dochter. Mama, papa en la fille, dus à droite. Dus 3 jaar hebben ze heel gelukkig samen geleefd. 3 ans, ils ont vécu ensemble, très heureusement. Dan had papa, is dan overleden, dus mama komt alleen te staan met de dochter. Le papa est décédé, il est déjà dans le cercueil parce qu'il n'est plus là. Et maman et la fille sont à côté, à droite du cercueil. Dus mama blijft heel lang in haar verdriet rond haar man hangen. En die dochter, ja, zij moet haar weg een beetje zelf beginnen zoeken. Ah, oui. Maman est complètement inondée par, disons, la détresse d'être devenue veuve. Et sa fille doit un peu trouver soi-même son chemin. Dus dochter is dan 13 jaar... En zij wordt zwanger van een buurjongen in de buurt. À gauche, il y a la fille qui est devenue adolescente. Elle a 13 ans. C'est des histoires vraies qui se sont passées. Alors, elle est devenue enceinte du voisin. Buurjongen, ja. Mais le voisin, c'est une poupée noire. Tu vois, tu as un visage noir. Non, brun. Oui. Hier heb ik een popje gemaakt. Niks niet meer horen, niks niet meer zien terug. Want doordat zij zwanger is, zij is moslim, niet getrouwd, schande voor de familie. Oui. De familie heeft beslist, ze moet Thuisland verlaten en alleen naar België vertrekken. Ça, c'est triste. À côté d'elle, il y a une poupée qui est une poupée dame. Et elle dit à la fille, un peu, la fille entend qu'elle n'est plus bienvenue dans la famille, que c'est contre les mœurs de la famille, qu'elle est enceinte, elle n'est pas mariée, etc. Et elle doit quitter. Elle doit tout achterlaten, alles wat vertrouwd was. Elle doit tout ce qui est cher à elle-même, elle doit laisser derrière elle à cause de cet péché. Dus later in haar leven ga ik nog uitleggen dat ze altijd op deze fase terugkomt als ze nieuwe stappen moet zetten, omdat ze dit niet verwerkt had. Alors plus tard, tout ce qu'on veut, mais une fois qu'elle a fait ça et qu'elle a subi cela, elle, toutes les phases de sa vie vont toujours rétroactif se projeter comme dans un miroir vers justement ce point-là de ce malheur, du moment où elle a perdu sa famille et tout ce que lui était cher avant. Dus in België komt ze, ze was zwanger, bevallen, komt ze weer een man tegen zwanger van hem. Hij verlaat haar, dus hij is dan met twee kinderen. Oui, un peu plus tard, elle reçoit quelqu'un d'autre qui la donne un peu de chaleur et elle s'agriffe. Enfin, ils sont un couple et avec ça, ils nous voient un enfant, mais lui aussi, il la quitte, il abandonne. Elle reste toute seule avec deux enfants. Dus bij elke nieuwe situatie, als ze gaan verhuizen, of komen ze altijd terug in deze fase van 13, 14-jarige meisje, waar alles wat vertrouwd was, gaat weg en ze moet altijd zelf beginnen nieuwe dingen opzoeken. Et chaque fois quand il y a un malheur comme ça qui se présente, elle est toujours projetée à l'âge de 13 ans où ça s'est produit. Et ça n'a plus de contact avec le passé. Ik heb dan deze situatie met haarzelf gemaakt. Oui. Elle a fait avec ses poupées, avec, elle a fait ça pour elle. Elle a, comme j'y raconte, parce que c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et alors, elle a fait la même histoire comme elle raconte maintenant à nous autres. Et alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Dus waarom vond ik belangrijk om deze verhaal met haar te maken, zodat zij haar eigen verhaal aan haarzelf kon vertellen en inzicht kon krijgen over deze situatie. Alors, elle a fait cela avec elle. Elle a pu montrer avec les poupées qui n'étaient pas encore arrangées de cette façon-là. Elle a fait tout ça, comme j'ai raconté maintenant. Et à cause de cela, elle a fait le pont entre le présent, ce qui s'est passé à 13 ans, et puis avec les poupées, ce qui s'était passé de l'autre côté du cercueil. Dus nu herkent ze haar eigen pijn, verdriet. Elle reconnaît maintenant, à cause de cela, son propre détresse et son propre, comment je vais dire, pain, c'est souffrance, souffrance, oui. En hoe heb ik met haar gezorgd als een nieuwe situatie zich voordoet, dat ze wel nieuwe stappen kan zetten? Et qu'est-ce qu'elle a fait, Roxane, pour qu'elle soit capable à confronter un nouvel événement, une nouvelle situation, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Als zij samen met haar mama en papa was, zij waren zeer gelovig. Dus oui. Ik heb gewoon haar religie weer terug naar hier gehaald. Dus als ze iedere keer een moeilijk moment heeft, dan grijpt ze naar daar, keert ze terug in die kracht en kan ze weer hernemen voor nieuwe stappen. Roxane, met devant moi, c'est comme un Coran. Oui. Un petit livre, mais qui est comme le Coran, avec ce qu'il y a au-dessus de... Allah, ça te roule. Allah. Yeah. Et puis, il a, comme les catholiques ont un rosaire, c'est un rosaire arabe. Tasbih, yeah. Tasbih, oui. Yeah. Hein, c'est comme un chapelet, mais... C'est comme un chapelet, hein. Moi, j'avais ça à bord de mon bateau, hein, pour moi. Oui. C'est pas le même nombre de perles, je crois, entre le chapelet et le tasbih. C'est presque ça, mais c'est presque la même chose, mais il y a un autre nombre de perles. Exactement. J'en avais 50, mais je ne sais pas combien il y en avait. Moi non plus, je ne sais pas. Avec ça, ça veut dire que Roxane disait qu'elle a donné les symboles et les rites de son ancien, disons, religion, de sa jeunesse, qui donne de l'appui et aussi, disons, comme un pont entre... le présent, la rompure à 13 ans et le passé de ses parents. Et avec ça, elle a pu faire le pont du présent avec le passé. Donc, avec ses objets. Avec ses objets. Yeah. Oui. Ses objets. Yeah. And she takes them. Because that's why when she was young and then she was by her parents that give her projection and energy and energy, hopeful, yeah. And then she can take new situation, handle new situation here in Belgium. Before she was hanging here when she was 13 years, and every new situation for her was difficult to take new steps. But because I gave it her back in the positive things, and then she, okay, I have the power of my mother and my father. I can take new steps in my life. I can protect my son and my daughter. Mm-hmm. Avec ça, elle a eu les outils en fait, ces objets rituels et religieux, et elle a pris cela pour avoir nouveau de l'espérance, et avec cette espérance, elle peut confronter la vie comme ça se présente, avec les bonheurs, mais aussi avec les malheurs. Ja, dus ik wil gewoon aantonen dat heel veel krachtbronnen in de familie van de mensen zelf zitten. Dat we heel systeem meer in beweging moeten brengen en inzichten brengen, zodat ze zelf de situatie stap voor stap kunnen aanpakken en oplossen in een nieuw land. Roxane fait comme thérapie en fait que les sources de pouvoir, les sources de force qu'on a dans, en soi, qu'on peut cristalliser cela avec des liens entre votre jeunesse, la religion même de votre jeunesse, c'est ça, hein, même sens, et avec ces forces de kracht, de la force mm-hmm. de vivre sa vie mm-hmm. sans désespoir, c'est mm-hmm. ça, with no despair. Je wil het verleden, heden en toekomst met elkaar samen verbinden door kracht van vroeger naar hier te halen en dan hier te kunnen hernemen. Les forces d'antan de votre pays d'origine aussi peuvent vous aider chez nous, c'est ça, hein, mm-hmm. à transmettre la vie entre le passé et le présent. Ja. Yeah. Voor in de toekomst. En ook voor het futur. Ja. En donc, ce que tu appelles les manteaux de protection, finalement, c'est les outils ou c'est, oui, c'est... parce que tu utilises là qui permettent de symboliser aussi cette transition. I can say in English or you want to translate? Zijn dat dan de voorwerpen die je kunt gebruiken om ook aan die mensen aan te reiken voor om die zaken toe te passen? Dus deze, ik heb deze popjes allemaal gemaakt, heb ik ook in Theo Huis gebruikt en kan ik ook met de mensen zelf een situatie zichtbaar maken en aantonen. Dus de meeste dingen hebben ze zelf in huis aanwezig, maar soms is ze gewoon vergeten dat ze hebben. La plupart de ces objets, ils ont quelquefois dans la maison, comme aussi ça par exemple, mais elle aussi, elle emploie les mêmes objets pour laisser leur raconter en fait, arriver à raconter leur histoire aussi comme ça, du passé, le présent et le futur, et mm-hmm. les événements qui ont fait la rupture, et de faire le pont même entre le passé et le futur. Elle, quand ils n'ont pas dans la maison des choses comme ça qu'elle peut employer, elle prend les poupées d'ici. Mm-hmm. Oui, et les outils, ça peut être vraiment beaucoup de choses, des choses immatérielles. Ben là, je parlais vraiment c'est du you-you. Mm-hmm. Le you-you, par exemple, c'est vraiment un truc, ça a l'air bête, un cri comme ça, mais dans le groupe, on est plusieurs dont le you fait partie de notre enfance, de notre culture d'origine. C'est vraiment un outil, comme on l'a travaillé, qui te permet de te relier plus à ta culture, à comprendre d'autres choses, et qui sert de vecteur de joie, de compréhension. Ça peut être un outil, mais ça peut être, comme elle dit, là, tu vois, c'était par exemple un Coran avec un chapelet. Ça l'a aidé. Ça peut être matériel, immatériel. Mm-hmm. Et comme tu vois, là, Frixana mm-hmm. n'hésite pas à fabriquer des objets qui représentent. Et elle m'a déjà expliqué plusieurs fois, notamment cette situation. C'est impressionnant pour les gens qui le vivent mm-hmm. de se voir. Tu vois, elle a fabriqué, par exemple, la personne qu'elle a eue en thérapie, que Yoris expliquait. Là, elle a vraiment fait une poupée de sa maman, de son papa, de elle petite, oui. mm-hmm. de elle enceinte et qui évolue. Mm-hmm. Bah, déjà, ça a une force incroyable de se représenter comme ça. Mm-hmm. Et oui, le manteau de protection, la veste protectrice, tu la fabriques un peu. C'est toi qui peux la fabriquer, on peut t'aider. Et ça allait dans l'idée qu'on a aussi travaillé dans le groupe Héritage, de se faire un kit de survie de choses. Ça peut être des chansons, ça peut être mm-hmm. même, je sais pas moi, la couverture de ta grand-mère ou une recette, n'importe quoi. Et dans l'idée, ben, j'espère pouvoir travailler ça avec toi, Roxana, plus tard, mm-hmm. pour vraiment inculquer ça et transmettre aux enfants issus d'immigration ou pas, de se faire chacun son petit manteau de survie ou son kit de survie. Vraiment, j'ai très à cœur plus tard de travailler là-dessus et avec toute mmh. l'expérience et l'expertise de Roxana qui a beaucoup travaillé là-dedans, qui continue. C'est dommage qu'on n'ait pas les images, parce que c'est vraiment... très très beau, elle personnalise toutes les poupées. On mettra des enfants. On a eu des très belles descriptions. Ah, et des Yoris, fabuleuses descriptions de Yoris. Ouais, merci beaucoup pour cette traduction. La traduction littéralement. C'est une traduction. C'est une du cœur et magnifique. Et très bien imagée. Merci Yoris. Très imagée, vraiment. C'est avec amour parce que ma fille est en Australie et je voulais bien qu'elle soit contente. Je suis sûre que Myriam est fière. Mais je suis sûre qu'elle et nos milliards d'auditrices et auditeurs qui nous écoutent en ce moment ont pu imaginer ces poupées et se les représenter. Ce que je trouve très beau, j'ai l'impression. C'est magnifique. I'm going to talk in English, but maybe so to for this moment. But what I understand also is that you are, because you are working with people mainly issues from the immigration, it's also how to deal with the fact that you comment dire, qu'il y a aussi des attentes selon là d'où tu viens sur ce que tu vas, comment tu dois vivre des choses, non? Enfin, j'essaye de faire le lien aussi avec la bénédiction, that you somehow you are expecting of living your life on a certain way depending on the country where you live, and that you are trying to make bridges also between the different experiences to reassemble a bit I like your way of looking to the things. This here in Belgium is what you think about that. Another country will learn to what grandfather, grandmother, the system. And we forget to connect the two systems. We have to guide them, to give the information about the two systems and what want you, what want your family, to find your way in that. And that's a way that we have to take time and to guide them. And that's what I want to do. Yeah. Roxane, elle répond que on parle en anglais avec elle parce qu'elle parle deux langues, anglais et pour le moment parce qu'elle travaille, elle vit en Flandre. Elle, ça c'est en irlandais, mais comme on vient ici d'expliquer et demander à Roxane, elle explique que quand il faut autant bien expliquer à vos grands-parents qui ont enfants, les grands-parents ont disons autorité sur vous, et tout à coup vous êtes un enfant, il faut à vos parents et aux grands-parents commencer à instruire comment ça va dans le nouveau pays. Et c'est faire le pont entre expliquer à votre famille et faire le pont avec ce que les gens qui sont autour de vous entendent dans le nouveau pays, c'est pas facile. Alors, c'est de presque demander à chacun, et Roxane a vécu cela aussi. Est-ce que je peux dire que vous êtes arrivé à 9 ans? Oui. Vous êtes venu à 9 ans parce que je n'ai pas. Que je ne connais pas Roxane, on a parlé sur le train un petit peu, et elle m'a dit que j'avais raconté que je vivais en Angleterre et que la maman était d'Ostende et papa était de la France, de Perpignan, et ils étaient en Angleterre et les enfants avaient 3 à 5 ans, et que les enfants, je racontais des contes de filles, et je commençais en anglais, je ne disais rien, je continuais en français. Je continue en flamand, d'Ostende, le patois d'Ostende. Et les enfants n'ont pas bougé parce qu'ils étaient tellement intéressés dans l'histoire, ils n'ont pas rendu compte qu'on a changé de 3 langues dans la même conte de fées. Hein? Et c'est un peu ça, en fait. Hein? C'est un pont. Hein? Est-ce que je peux dire ça comme ça, Roxane? That story, that from going from left to right with the children. I thought that story about the children who were hearing the same story of Snow White or something, and speak in the language of their grandparents of Belgium, and the parents from France, and that's mooi dat die connectie kunnen maken. And their mother speaks Ostens, you understand Ostens. It's different than Dutch. Maar ik heb een heel klein situatie, bijvoorbeeld de drie jongens als in thuisland opgegroeid in zo'n systeem en in de hulpverlening. Als ze hier nieuw toekomen en vraagt hoe is het met jou, kun je ook bijvoorbeeld die oma erbij halen. Dus wat zou je oma jou adviseren in deze situatie? In plaats van rechtstreeks die vraag naar jou te stellen, haal je iemand uit het systeem hier voor hen daarin te ondersteunen. Dan kunnen ze ook in die manier van denken antwoorden. Ja, Je vais essayer de te traduire cela. Hein, yeah. Parce que c'est un. J'ai only stood 80%. Oké, okay, wacht. Dus als de hulpverlener, als de drie jongens hier nieuw toekomen. Si les trois garçons sont arrivés complètement nouveaux. Ja. Yeah. En zij zijn nog niet gewoon. Ils sont pas encore habitués à la nouvelle situation. Wat denk jij zelf over? Qu'est-ce que vous pensez vous-même de cela? Dan kan je zeggen, moest je oma hierbij zijn? Aha. Dans votre cas, alors, qui pense, il faut toujours poser la question, qu'est-ce que ma grand-mère penserait? Quand elle serait à ma place? Wat zou zij jou adviseren? Qu'est-ce que vous direz? Qu'est-ce que va comme donner comme avis à vous? Conseil. Hein? Si vous avez une situation comme ça, mm-hmm. Demandez vous-même qu'est-ce que ma grand-mère allait dire dans cette situation là-bas. Dan zet je in hun communicatiesysteem, krijg je ook antwoorden via een andere manier. Aha. Alors, vous allez avoir des réponses d'eux qui sont différentes de ce qu'ils attendent de vous. Mm. Ils vont avoir une réponse qui est complètement adaptée dans leur vie d'avant. Zo verbind je de individuele kijk en de groepscultuur. Et puis, vous commencez la culture individuelle avec la culture de groupe. Mm-hmm. Ah, I have a question. Oh, sorry. No. Elle a une question. Caroline a une question. Because I go back to when you were talking about here mm-hmm. and all of the... Her as a baby with her parents, mm-hmm. and then after the death of the death, and you were talking about being in another country, and also that you also carry with you the memories of your mm-hmm. where you come from, and for me, like I always think, I look at how different each country is. Mm-hmm. Like I look how different Australia is to Belgium, and mm-hmm. but not often. How to make the bring them together mm-hmm, mm-hmm. in me. Because so this is very interesting. It's very interesting because that you learn when you are young and it gives you hope, kracht, and that kind of thing you take that you don't stay in the situation, but your eyes are happy and that kind of moment you take that in the future and mm-hmm. you can do steps in the new situation mm-hmm. then. Mm-hmm. Because really that's part of you. Mm. Yeah, how to Caroline. Bring it. But we don't have to translate when it's English, I think it's okay. Parce que, en fait, c'est comment on rend légitime, comment on valorise des choses qu'on a reçues quand on était enfant, dans notre culture de départ. Quand on va dans un autre pays, en général, c'est pas, on doit laisser ça derrière nous, on doit s'habituer au nouveau pays, mais on oublie, oui, on oublie qu'en fait, on a reçu plein de belles choses de l'autre culture qui nous ont construit et qu'on doit apprendre à les rendre, de leur donner de la valeur, les légitimer pour mieux supporter la vie et pour mieux vivre. C'est vraiment des choses qui donnent de la force. Et c'est ça qui est beau, c'est de se dire qu'on n'est pas obligé de les oublier ou de les mmh. cacher. Ils font partie de nous, c'est mmh. comment on les vit au quotidien, dans la nouvelle culture. Mm-hmm. Et c'est ça que j'aime et qu'on a fait et que mm-hmm. qu'il faut continuer à faire, oui. Oui, Caroline, wow. Toi aussi, tu es partie d'Australie, c'est encore un autre voyage. Tu arrives en Belgique aussi avec... Oui, je trouve ça, c'est très intéressant, comme mm-hmm. tu dis, de comment rendre le passé intégré avec le présent et aussi dans une valeur dans l'avenir. Aussi. Totalement. Ouais. C'est dans ce pas un problème. C'est pas du tout un problème. Un cadeau, une bénédiction ouais. de le passé. Exactement. C'est dans ce cadre-là que ça rejoint les bénédictions. Oui, la bénédiction du passé. Voilà. Mm-hmm. C'est tellement présent. C'est comme ça que j'ai, grâce à son projet, que j'ai vu ça autrement et qui m'a emmenée. C'est pour ça que je disais que c'était à cause d'elle. Par exemple, la bénédiction, c'est quelque chose qui existe beaucoup et qui aide beaucoup et qu'on dit tout le temps, tous les jours, mais on s'en rend même pas compte. Au Maroc, tu veux dire ? Au Maroc ou dans ma culture ici. Je veux dire, tu parles avec des gens ou même quand je suis dans ma famille, tu as 10, 20 bénédictions par jour. Tu vois, je veux dire. Mais en fait. Mais pour toi-même ou pour les autres ? Pour moi-même, pour les autres. Je me suis rendu compte, moi, je me rappelle, j'ai perdu ma maman. Et comment elle a insisté ? Parce que la valeur de la bénédiction des parents est très grande dans ma culture. Je veux dire, sur son lit de mort, ma mère disait à mon père, n'oublie pas de bénir tes enfants, mais vraiment, c'était le truc. C'est important, mais tu n'oublies pas. Et à un moment, quand tu mets la lumière dessus, tu te rends compte, ah mais oui, mais ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste un truc. Et tu prends, tu commences à voir l'épaisseur, toutes les dimensions de ce que c'est de dire du bien et toutes ces petites choses que tu fais au quotidien. Et je trouve qu'on ne valorise pas assez et que les générations de maintenant, je me rends compte, ils n'en ont plus conscience, ça se transmet plus vraiment. Mmh. Et c'est ce que Rixana travaille dans ce sens. On est beaucoup aussi dans le groupe You You et moi, j'espère travailler là-dessus aussi. C'est très important et fondateur, je trouve. Et c'est gratuit, donc voilà. En plus, et c'est à la portée de tous. C'est à la portée de tous. Peut-être qu'on peut... Maybe we can share a bit collectively what we put inside this word of benediction. Oh, yeah. What kind of personal relation we have to this word because we have different culture on the table. To jump on what you just say about the fact for you it means like oui on va faire une petite pause musicale pendant ce temps-là on réfléchit. Mais oui, chacun chez vous aussi qui nous écoutez vous pouvez prendre un petit moment pour penser qu'est-ce que ça veut dire bénir, se faire bénir, blessing, souhaiter des choses à quelqu'un. Do we count our blessings? Do we count our blessings? Qu'est-ce que c'est de dire de bons mots, de souhaiter des choses à quelqu'un, quelqu'une. Exactement. Et alors on va écouter alors une chanson que justement mon frère Dean a choisi, qui est un chant. Bah, il va l'expliquer mieux que moi. Il a fait un petit audio et donc mon frère s'appelle Dean Rouas. Il est vraiment spécialisé dans la recherche musicale sacrée, soufie, du Moyen-Orient, de la musique religieuse. Et là, il a d'ailleurs beaucoup de mal tellement il a de références et il a choisi deux morceaux. Et on va écouter. Il va expliquer mieux que moi. C'est interprété par Amina Alaoui, accompagné par l'ensemble de musique Rarnaté de la ville de Rabat, dirigé par Ahmed Piro. C'est un enregistrement de 1995, dans lequel est mis en musique un poème du XIIIe siècle. Ce poème est l'œuvre du juriste, philosophe Abou al-Hassan al-Chouchtouri, qui est né en Andalousie en 1212 et mourra en Égypte en 1269. Ce Abou al-Hassan al-Chouchtouri était très investi dans le soufisme. Il était influencé par Ibn al-Arabi, entre autres. Aujourd'hui, il y a encore une tariqa qui porte son nom, la Sab'iniya Chouchtariya. Le deuxième morceau, c'est Mema, interprété par Ouleya Mint Amartichit, grande artiste de la tradition mauritanienne. Et c'est un chant de louange sur le prophète. Allez, salatu salam. Donc, j'ai choisi ces deux morceaux pour leur qualité musicale. Pour leur diversité aussi, et parce qu'ils permettent d'illustrer un attachement populaire et... Et donc on va écouter un morceau d'Amina Alaoui, c'est ça ? Oui, que Dean vient de présenter. C'est bon. Il n'y a pas eu le bruit sur la radio, il y a eu juste le bruit. Il dure combien ? Il faut faire pipi ? Quand on entend, Voilà. Nous voilà de retour. Alors, on en a profité pour une petite pause, pour manger des mandarines, et des noix, des noisettes, en prendre un petit café, et alors réfléchir à un peu cette question de la... On peut parler librement, Yoris. On est en ligne, on est en ligne. En live. On est à la radio. On nous entend. Parce que mais par contre, tu peux prendre un micro si tu veux parler. Ah non, oui, oui. Il faut parler de Tanguy, 72. Vous voulez votre film, j'ai vu votre film, Anissa. Le film de Myriam, oui, mais c'est, Le cadeau, mais et je suis vous, dans le film. C'était vous le, je fais un témoignage dans ce très oui, beau film de Myriam. Oui, vous avez fait un témoignage. Et là, je vous ai connu dans le film. Ah oui, c'est vrai. Il y a certainement, c'était à Anvers que j'ai vu la première fois le film, à Anvers. Oui, c'est la première projeté. Fois que ça a été joué en public. Oui, c'est vrai. J'étais énormément touché. Je suis marin, j'ai été de 17 ans et demi en mer. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Gibraltar vu de Tanger. Exactement. C'est vrai. Sur le film, hein, quand on voit le film, hein, c'est incroyable. Les gens qui ont navigué, vous avez été en Tanger et vous regardez à l'autre côté. Je croyais que de voir ça. Je dis, est-ce qu'ils ont été à Tanger? Parce que je voyais l'horizon et je voyais comme le soleil qui est le matin à l'aube ou bien le soir quand il va se coucher. Et puis, très vague comme ça. La petite les trucs grise comme ça. Et je dis, et je cherche quelques ombres pour trouver Gibraltar. Je ne trouve pas Gibraltar. Mais à certainement, c'était quelques secondes que j'étais complètement avec mes pensées, avec cette image. Et tout à coup, il y a la caméra qui commence à faire un sweep, comme on dit. Elle commence à balayer avec ça. Et je vois, et qu'est-ce que c'est? C'est le canal de Bruxelles. Mais vraiment, quand on voit le film une fois, oui, vrai, vous êtes madame qui fait, vous construisez des films, hein? Mais quand on voit ce passage-là, c'est Tanger. C'est comme c'est vrai, c'est très bien c'est fait. C'est comme la mer Méditerranée. Il y a un sweep vraiment, on passe de une photo de Tanger au canal de Bruxelles. Oui, oui, oui, incroyable. Alors depuis là, je sais Anissa, c'est la fille de Tanger. Oui, Anissa, la fille de Tanger. Et je voudrais en profiter parce que Yoris nous parle un petit peu de lui. Il a parlé de Tanger parce qu'il y est allé en bateau depuis la Belgique. Oui, oui. Et donc, c'est pour ça aussi que je voulais t'inviter, que tu es là, pour nous raconter ces traditions justement de bénédiction autour des marins, parce que les marins sont souvent en mer, parfois dans des situations dangereuses, périlleuses, et donc il y a forcément des prières ou des coutumes ou des... Je ne sais quelle autre protection, quelles invocations pour se protéger que les marins font. Et je voulais que tu nous en parles un peu, si tu as une anecdote ou... Enfin, que tu nous en parles en tout cas. Oui, j'ai une anecdote. J'en ai beaucoup, bien sûr, comme j'étais 17 ans et demi en mer. Mais je voulais bien faire référence et partir d'Anissa, Tanger. Qu'est-ce qui se passe à Tanger? J'avais peut-être 27 ans, maintenant j'en ai 80, mais j'avais 27 ans. Je suis à Tanger dans les années début 70. Il y a déjà beaucoup qui n'étaient pas nés à cette époque-là, mais enfin, c'était comme ça. Et puis, tout à coup, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'était pas beaucoup payé à l'époque. Et je suis en train, j'allais chercher des cordes pour ma guitare. Et je perds le chemin, et c'est vite obscur le soir, hein. Alors, il n'y a pas de lumière en 1970. Ce n'est pas comme à Bruxelles avec des lampes. Hein. Et les rues sont étroites comme ici. Alors, j'ai perdu le chemin. Et je suis tellement fatigué. Je sais une chose, je dois descendre. quand on descend en mer Méditerranée, on arrive toujours au port. Vous voyez, quand on va vers le bas, je suis dans le... Mais tellement fatigué, je m'assois et j'entends de la musique, disons, comme venant du ciel. Vraiment, une sorte, comme religieux. Et je suis là une demi-heure, et tout à coup, il y a un monsieur qui vient et dit, « Monsieur, vous rentrez ?» Et j'avais directement... Il parlait un français châtié. Il parle bien français, hein. Les Flamands pas, hein. Moi j'essaie de parler bien français, mais ce monsieur il parlait un français impeccable. Il dit, vous venez, et j'entre, et là je vois 15 hommes autour d'une table, dans une place, juste comme ici, peut-être 6 mètres de longueur, 2 mètres et demi de largeur, et au bout il y avait une sorte de petite locomotive en cuivre. Mais c'était pour faire le thé. C'était magnifique, avec une sorte de petite porte qui était complètement élaborée comme ça. Et je voyais qu'il y avait des riches et des pauvres. Il y avait des messieurs qui avaient un djellaba qui était luisant, qui était magnifique. Et il y avait des autres qui avaient un djellaba vraiment en coton, comme pour aller presque travailler. Mais ils étaient tous en train de chanter. Mais des chansons qui étaient magnifiques. Et ce que je trouvais très bizarre, je dis, ils passent l'instrument l'un à l'autre. Et on avait une petite pipe comme ça, avec une petite boule qu'on fumait, et ils passent la pipe. Ah oui, c'est le subsé, oui. Et moi, j'ai aussi fumé un petit peu. Et puis, ils donnent du thé avec des fleurs dedans. Magnifique, hein? C'est magnifique. Moi, j'étais tellement ému, et ils passent la guitare, et qu'est-ce que je vois? L'accordement est différent. Ils sont tous accordés en quinte. Pas comme ici, il y a tous les 4 ou 5 cordes qui sont accordées, et le sixième est différent. Je ne sais pas jouer là-dessus, parce que la guitare est bien de chez nous, mais les cordes sont accordées à la manière arabe. Vous voyez, j'avais déjà appris quelque chose. Et puis ce que j'ai appris, que ces messieurs-là étaient des soufistes, ou je crois. J'ai commencé à chercher, quand je suis revenu à la maison, j'étais vraiment touché de cela. Ils sont venus avec moi, ils ont été à bord, et le lendemain, à bord, je vois Mme Goumand de Tanger, qui était l'ambassadrice de l'ambassadeur de la Hollande. Et elle avait été au couronnement du roi de Maroc en 1956. Et elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé hier? Ben, j'ai dit, j'ai perdu le chemin. Quoi? Toi, Européen, moi j'habite ici 35 ans et vous verrez le chemin, etc. Il n'y a rien de passé. Ben non, je dis, les gens sont fantastiques ici, etc. Moi je dis, c'est des gens vraiment de mon cœur, quoi. Alors elle nous a invités dans un restaurant très chic, mais elle a dit que lors du couronnement, par exemple, qu'elle avait des robes qui étaient plus longues que sa taille. Il faut tenir les robes qui sont longues d'une manière, avec une main, pour avoir... Elle a mis cette robe de couronnement pour moi et le médecin qui était à bord. Il y avait un médecin avec. Elle a montré cela. Elle avait 80 ans. Et elle disait, vous pouvez venir en vacances et on va de nouveau aller à la même place où j'avais été bien reçu. Mais ma femme n'osait pas. On n'était pas encore comme maintenant. Hein. On n'osait pas, hein. Peut-être qu'elle croyait qu'elle allait finir dans un harem. Hein? Je ne sais pas, mais vous voyez que oui. La musique, c'est aussi ça. Hein? Mm-hmm. Oui, Yoris Montel, alors... le chapelet, c'est aussi un objet qui rapproche et qui protège et qui fait du bien. Oui. Et alors, Yoris, du coup, est-ce que ça, c'était un moment de bénédiction pour toi? Certainement. Parce que j'ai commencé, il y a des traductions en français des poèmes soufistes. J'en ai encore parlé il y a 2 mois, j'en ai jamais parlé à Myriam. Hein. Mais je dis maintenant, comme on est en train de parler de ça, les marins ne sont pas des gens qui vont à la messe et tout ça, mais ils sont assez religieux en question de... Moi, je me rappelle... à Fécamp, après une grande tempête, que tout était rasé sur le pont par la tempête. Même le pilote de Fécamp, il avait des problèmes pour entrer avec notre bateau. Et quand on est arrivé en place d'aller à la distillerie où on a du bénédictine hein, pour boire, avant d'aller à la distillerie, on montait tout l'équipage, on est allé vers la petite chapelle qui est au-dessus de la falaise. C'est la religion, oui, c'est la religion. Si ce serait, si ce serait en Arabie, on aurait monté vers... vous voyez, c'est ça que je veux dire, c'est le manteau protectrice qui, quand même, on a une patte de lapin dans sa poche, ou bien une petite médaille, mais beaucoup de marins, ils ont aussi des tatouages qui montrent quelque chose, comme ici, ou comme je vois sur la table, et quand on n'a pas ça dans sa poche, ou quand on n'a pas ça à bord, alors il va se passer quelque chose qui... Vous voyez ? Un peu comme Anissa aujourd'hui avec ses boucles d'oreilles. Oui, c'est ça. Ouais. Le foulard à fleurs, voilà. Mais je vous laisse. Elle dit oh, non, avant de commencer, il faut avoir ça, ça, ça et ça. Mm-hmm. Oui, ouais, bah, ça place un cadre où on se sent à l'aise. Voilà. Mais... Non, je disais qu'on pouvait mettre une petite chanson encore pour prendre le temps de traduire ce qui s'est dit à notre invitée Roxana et puis qu'on continue après la discussion. Totalement. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on écouterait dans notre petite peut-être sélection? Peut-être comme ça, le... Oui, on va écouter voilà, une autre musique d'un groupe qui s'appelle Mazaher, qui pratique le zar. Le zar est une... c'est très vaste, mais ici, c'est dans le cadre d'une pratique musicale d'exorcisme ou de protection en Égypte. Et... Là, on va écouter le groupe Mazaher, qui est vraiment un de mes groupes préférés, un des meilleurs concerts auxquels j'ai assisté dans ma vie. Et oh ben, je vous laisse écouter, on en parlera après. Mazaher, Rakousa. Yeah. béni. La bénédiction est un je ne sais quoi, un chant, une lumière, un échange, un rayonnement. C'est le trésor de tout être vivant, même le plus démuni, même le plus pauvre. Toute bénédiction a sa racine dans la joie du Dieu vivant. Quand Dieu crée l'univers, il imprime en chaque être la vibration joyeuse qui en fait une note unique, un timbre dispensable dans la polyphonie de l'univers. Quiconque entend palpiter dans ses veines le « oui » à la vie, sait qu'il se souvient du « oui » primordial que le Créateur a prononcé sur le mystère de sa personne et de son existence. Il y a dans l'acte positif et délibéré de la bénédiction une imitation de l'acte créateur. Il y a comme une irradiation de tendresse pour les êtres auxquels nous l'adressons, comme une confrontation pour eux, de notre part, de ce qu'ils sont ou ont à être. Bénir quelqu'un du fond du cœur, c'est avoir le pouvoir de focaliser sur lui un faisceau de forces bienveillantes de la création. C'est mettre un ange sur sa route, comme pensaient les anciens. C'est mettre un peu de notre énergie vitale au service de la sienne. Notre plus haute victoire, c'est qu'au moment où la fatigue, les épreuves, les nuits nous accablent, nous puissions tirer encore de nous la force de bénir la vie que Dieu nous donne à vivre, les êtres qu'il nous donne à aimer, le monde qu'il nous donne à transformer. C'est une homélie d'un prêtre qui s'appelle A. M. Bernard. Et j'ai reçu ce texte d'un moine. J'étais au fin fond de la Bretagne, je faisais un voyage à vélo. Voyage qui, entre parenthèses, avait été maudit par mon père, ce qui était très dur à porter. Et puis là, je rencontre un moine poète. Et on sympathise, on parle. Et le jour où je le quitte, je suis restée là deux nuits, il me donne ce texte. Et après, je t'ai téléphoné, ou je crois que je te l'ai enregistré, parce que je me suis dit, ça c'est pour Anissa. Muriel, donc c'était Muriel qui lisait ce texte que ce moine lui avait donné au cours de son voyage, et que je trouvais qu'il, enfin, c'est une très belle définition de bénédiction, bon, religieuse, mais on peut le lire autrement aussi. Et on va continuer, comme tu as dit Mathilde, à faire peut-être un petit tour de table de ce que représentent les bénédictions pour chacun de nous. On peut commencer par Ruxana. What is for you and the benediction? What is the yeah? J'essaie de parler néerlandais. Benediction. Elle demande de la bénédiction, ça veut dire quand on donne. Als ze zegen geven aan iemand, hè, dat is om je kunt de zegen geven voor afscheid te nemen, want hij sterft ook. Mm-hmm. Maar je kunt ook een zegen geven vroeger als ik ben 80 jaar oud. Als je ouderwets was, dan gaan ze zegen geven naar iemand die vertrekt, een jongen die vertrekt naar het leger bijvoorbeeld, mm-hmm. die naar de oorlog moet of zo. Dan gaat de moeder hem zegenen. En ik heb zelf mijn schoonbroer nog zijn kinderen ook zien zegen als ze weggingen. Mm-hmm. Dat bestaat niet meer, hè, nu, maar je moet dat zien, 50 jaar terug of 60 jaar terug, mm-hmm. werd er nog gezegend bij ons. Ja. Voor mij... Ik zie mezelf als een wereldburger en ik neem dingen van de verschillende culturen. Dus wat hier allemaal leeft, wij moeten niet meer op reis gaan voor andere landen, ideeën op te doen. Alles is hier aanwezig en ik leer heel veel van de mensen, zoals van Anissa, van jou. En dit neem ik mee en maak deel uit van mij en dat geeft mij bescherming in de kleine dagelijkse handelingen Dus dat is voor mij die manier van rituelen, omgang met elkaar. We moeten niet grote dingen zoeken in hele kleine dagelijkse dingen. Voilà. Ce que Roxane dit, c'est que pour eux, pour elle, par exemple, les rituels sont les petites choses qui... tout à coup, je perds ma concentration. Mes bescherming kunnen hier. Oui, c'est-à-dire que je suis un peu ému, excusez-moi. Oui. Joris, tu as le droit d'être ému. Tu n'es pas un robot, c'est normal, tu reçois ce que Roxane te dit. Je vais te traduire littéralement, comme ça. Okay. Dus voor mij, die bescherming, rituelen, zit in kleine, dagelijkse dingen. La protection et les bénédictions qui me protègent se trouvent dans les objets qui sont les choses qui se passent journalier autour de moi. Dus als ze mij nu vragen, ben je nu Pakistanse, Belgische? Nee, ik ben een wereldburger en ik pik wat hier allemaal rondom mij aanwezig is om daarvan... Quand on me demande si je suis Pakistanais ou bien si je suis Belge, je dis je suis quelqu'un du monde, enfin mondial, je suis quelqu'un, je suis une personne et je prends tout ce qui est autour de moi aussi comme pour moi valable. Et pour vivre pour moi, si c'est le passé ou bien si c'est aujourd'hui ce que je reçois. Et cela, je veux donner à ma fille qui vit aussi dans ces mondes différents. C'est ça, oui. Merci beaucoup. Et pour toi, Joris, c'est quoi qu'est-ce que ça représente, les bénédictions? Quand on te dit bénédictions, qu'est-ce que ça... Pour moi, c'est ici... le moment qu'il a décrit tout à l'heure. Oui, ah ben oui, c'est vrai. Ah oui, pardon. Mesdames, messieurs, aussi, je n'ai pas connu Roxane hier. Je l'ai vue ce matin parce que pour l'accompagner à Ostende. Je suis venu ici, je suis un homme. Un homme ne peut pas pleurer. D'accord? Ça, c'est la convention de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Un homme ne se montre pas en pleurant. Mais quand j'ai entendu cette histoire là de cette coffre, j'ai presque pleuré. J'ai montré ce matin une photo à Roxane, par hasard. On m'a demandé, il y a 2-3 semaines, j'ai 32 neveux et nièces. Parce qu'il y a 50 ans, il y avait encore une éducation du 19e siècle. Mes parents étaient très croyants. Enfin, ma mère. Elle allait tous les jours à la messe. Elle était très intelligente. Elle lisait Le Rouge et le Noir de Stendhal, etc., etc. Mais elle allait tous les jours à la messe. Elle a eu 12 enfants. Et vous voyez le 12e, c'est moi. Elle est née en 1895. Vous voyez, elle avait 18 ans à la Première Guerre mondiale. Et cette dame qui avait la croyance en elle... Ça, c'était la bénédiction que moi, j'ai eue comme un enfant. Je suis de ce côté ici, de la cercueil ici. La guerre, c'est ici. Et maintenant, on est ici. Et on ne parle jamais de ça. On ne parle jamais de ça. Et comme parent, par exemple, je ne peux même pas parler de la religion. Moi, quand j'étais petit, par exemple, on chantait tous les jours parce qu'il n'y avait pas de télévision. Et on pouvait chanter très bien à la maison parce que mon frère, en première voix, moi j'avais la voix d'un enfant, enfin d'un enfant de cœur, et mes sœurs chantaient. Et à Noël, tout le monde chantait ensemble. Moi, j'ai encore jamais connu dans ma vie que moi j'ai pu chanter ensemble avec mes grands-enfants. Parce que ça ne se fait plus. Et on va avoir Noël maintenant, dans 2-3 semaines. La bénédiction serait que je puisse faire de la musique et chanter avec mes grands-enfants. On espère qu'ils ont entendu cette émission et peut-être ton message, Maurice. Oui. Mais on va dire que je suis sentimental, parce qu'on ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Vous voyez, vive Maurice sentimental. Mais on a aussi nos ponts à traverser. Hein. Bien sûr. Ce n'est pas question marocaine, pour les Flamands aussi. On peut faire le pont. Quand moi j'étais sur le bateau francophone, j'étais le seul flamand à bord. Et alors quand je chantais ensemble avec les Caroliens et on avait levé des casses, hein, etc., de Saint-Nicolas qui vient dans la ville, hein, des choses comme ça à ballon. Hein. Dans les années 60 et 70, on ne parlait pas comme le français comme maintenant. C'est des choses, des souvenirs qui sont magnifiques. Hein. Et alors, quand, à cause de ça, les contacts entre les... Même entre nous, les Belges, c'est important. Hein. Et quand on se connaît l'un à l'autre, on se comprend l'un à l'autre, on est ouvert l'un à l'autre pour soi. Moi, je vois... Maintenant, c'est pour moi, les derniers 20 ans, c'est simplement extendre. C'est voilà, si on est de Pakistan, on est de Tanger, pas de problème pour moi, parce que j'étais marin. Et pour les marins, tous les gens sont bien. Hein. Ah, c'est une bonne idée. Je propose qu'après cette émission, on écrive une chanson qui s'appelle « Pour les marins, tous les gens sont bien ». Voilà. On va la composer. Et, on va faire des t-shirts. On va faire des t-shirts. Et aussi un grand message. Quand j'étais béni avant Noël, je ne vais jamais oublier. C'était est-ce que je peux en profiter pour dire cela? Mais bien sûr, Yoris. Parce que je ne vais pas prêcher. Hein, parce qu'il y a 3 ans, en 2019, il y avait 65 enfants qui étaient en Syrie. Vous vous rappelez? Oui. Il y a 400 personnes qui ont signé pour demander que les enfants reviennent. Et moi, je suis parmi mon accordion. Vous pouvez le demander. Hein. Je suis allé jouer de la musique. Et tu sais, à la place de Bourse, ici à Bruxelles. Et j'ai joué de la musique à la gare centrale. Et tu sais ce que j'ai chanté? Une chanson de 3 siècles, qui a 300 années d'âge. Et c'est une chanson faite par quelqu'un qui est enfermé dans un sorte de prison, et ils veulent le briser. Il a chanté, les pensées sont libres, même quand on est enfermé. Hein. Et cette chanson-là, on a chanté, moi j'ai chanté, et je dis, les enfants sont innocents. Des fautes des pères, les enfants sont innocents, des fautes des mamans. Vous voyez, ayez pitié, laisse-les retourner vers leurs grands-parents ou la famille. Moi, j'ai chanté cela en 2019. Voilà. C'est quelque chose, un autre Noël que d'habitude. Et ils ne sont pas encore tous revenus. Non. C'est un plaidoyer. Voilà. Merci. Merci, Yoris. On entend les petits bruits de l'ordinateur qui parlent à notre place, qu'on est un peu ému de toutes ces pensées. Ben oui. Alors. Là, on les entend. Ouais, vous allez balancer un son? Alors, on peut continuer notre petit échange par rapport aux bénédictions. Moi, je veux bien partager. En fait, je me rends compte que la question de la bénédiction, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est pas un terme qui m'est familier du tout, auquel j'ai trop réfléchi, non. Qui est pas présent dans ma vie. Parce que c'est vrai que je l'associe à quelque chose de religieux. Et même si j'ai fait du catéchisme petite, enfin, finalement, mon seul moment de bénédiction officielle, c'est le moment où je me suis fait baptiser. Mais c'est comme quelque... En fait, ça me touche aussi le fait de re-raconter les histoires. Parce que même si c'est quelque chose qui est derrière moi, le fait que j'ai été baptisée de manière catholique, je me dis, bon, ça, c'est pas vraiment moi, enfin, c'est plus moi maintenant. Et en même temps, oui, en fait, ça fait quand même partie d'une certaine histoire qu'on m'a inculquée. Comment raccrocher les wagons de ces histoires-là, c'est intéressant. Je suis surtout très touchée par tout ce que tu dis sur le fait qu'est-ce que ça veut dire bénir ou souhaiter de belles choses aux gens et le fait de s'efforcer à plus souvent prononcer des mots où on souhaite des choses aux gens. Et quand tu me racontes aussi, Anissa, que tu fais ça avec ton fils, je me dis que c'est une belle pratique à faire avec ses enfants, de plus souvent leur souhaiter des petites choses, pas juste la réussite sociale. Je crois que la bénédiction, du coup, je raccroche plus ça au fait que pas forcément quelque chose de positif, le fait qu'on nous souhaite des choses, mais du coup, aussi, ça veut dire qu'on souhaite quelque chose pour toi. Mmh. Donc, est-ce que toi, tu le souhaites vraiment? Enfin, que le fait comment le désir des autres ou de tes patriarches vient se mettre dans ta vie et qu'est-ce que ça fait que des gens souhaitent quelque chose pour toi ou que tu deviennes telle ou telle personne. Et donc c'est plutôt à ça que j'associe la bénédiction. Donc oui, je trouve ça chouette de l'idée d'essayer de le transformer en d'autres choses, de s'approprier, en tout cas. Transformer. Il y a une formule même, je me rappelle, c'est de dire « je te souhaite ce que tu veux ». Ouais. Donc comme ça c'est la personne qui choisit vraiment ce que elle veut, oui. et de prendre le temps de vraiment le dire et de le penser, et ça prend pas beaucoup de temps, et on ne sait jamais, ça peut marcher, parce que voilà, ça rejoint l'idée, moi, enfin, je vais parler plus longuement de l'autre projet Zegen, mais je suis sûre quand on souhaite des bonnes choses, ou quand on chante, ou quand on fait un cri comme le You, ça transforme l'espace, ça transforme chimiquement, physiquement l'espace. Ça peut produire des belles choses. On pourrait le prouver, je suis presque sûre, scientifiquement. Donc autant prendre le temps de le faire, puisque les autres trucs mauvais, ils arrivent aussi, les belles choses aussi, mais les trucs mauvais arrivent sans qu'on n'a rien demandé. Donc autant en rajouter pour équilibrer, ou en faire un surplus. Voilà. Mais aussi, enfin moi, ça me rappelle plutôt des choses de l'enfance, ou des dessins animés avec lesquels on grandit, où il y a cette image des fées ou des marraines dans les dessins animés qui viennent te souhaiter qui viendraient se pencher sur ton berceau. Oui, je te vois venir pour te donner, pour te souhaiter des vœux, ou se dire oui, je ou il se passera ça, enfin finalement c'est quand même une image du divin qui vient se personnifier dans des petits personnages de femmes, souvent des marraines ou les fées marraines, et je trouve, enfin on grandit beaucoup avec cette image quand même, qui sont à la fois poétiques et en même temps qui véhicule cette image de reproduction sociale. Enfin, quand même, ça fait planer au-dessus de nos têtes cette idée que quelque part, quelqu'un a souhaité que tu deviennes ci ou ça. Enfin, oui, c'est oui. Quand même une grande ambiguïté. Si vous voulez, je vous propose qu'on écoute Les Dons des Fées. Donc, c'est dans La Belle au Bois Dormant. Oh. Donc, on a ces trois fées marraines qui viennent se pencher sur le berceau. Sleeping Beauty. Leur vénérable, vive, vénérée, excellence, les trois bonnes fées. Dame Flora, Dame Paquerette et Dame Pimpronelle. The idea to the kids that somehow there is someone wishing you a certain kind of life. Oh, elle est jolie comme un cœur. It cancels freedom. Yeah. Vos majestés, nous les fées dans ce berceau offrons à cette belle enfant chacune un don. Petite princesse, moi je vais te faire don de la beauté. En fait, elle lui dit attention, tu ne vas jamais. That's right. Yeah. So it's not a benediction, it's a malediction. Because la sorcière. Jolie princesse, moi je vais te faire don d'une belle voix. J'ai pas grandi avec ça, sûr. I didn't grow up with that. C'est assez simple de... Hello. Merci. We have... Oh, très bien. Hello. So, I wanted to segue into benediction of what I thought benediction was and blessing. Et on a parlé, peut-être tu le nous as entendu, dit, moi j'ai pensé que c'était plutôt une malédiction que cette femme fait. Et aussi Tiffany me dit aussi que ce style de bénédiction, c'est plutôt une réduction ou une annulation de la liberté. Donc ça, c'est une autre idée. Mais pour moi... pour moi, la bénédiction ou the blessing, quand j'ai pensé ça, je suis un peu comme Mathilde, je n'ai pas grandi avec ça, mais maintenant, avec les choses que, les recherches que je fasse maintenant, c'est plutôt, je vois ça comme un moment qu'on est incarné dans le moment, ensemble. Donc, s'il y a un blessing, c'est entre toi et quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre, et ça te rend dans la même boule de moment. Et on consacre ce moment à quelque chose, à un souvenir ou une idée d'être ensemble ou une idée de l'avenir ou... oui, le moment. Pour moi, c'est on ouvre un moment ensemble, avec respect, avec un accord, quelque chose comme ça. Et Anissa, elle m'a demandé de parler à propos Oracle, un travail que j'ai fait, une recherche que je faisais avec deux autres femmes et avec des autres personnes aussi. Je dis, mais c'est quoi le lien avec blessing, bénédiction et oracle? comment c'est? Et elle dit, ouais, quand on fait ensemble, on est ensemble, on change l'espace, exactement comme elle avait expliqué maintenant, avec le chant, la bénédiction, on change les molécules dans l'espace, les molécules entre nous. Et oui, je trouve ça c'est très beau et très juste aussi. When we're doing oracle and we open a moment together and we're improvising vocally together, we always say we're reading the space. Mm-hmm. And so we're changing the space with our voices, and because it's not, we're not singing a song that everybody knows, we're mm-hmm. doing interior vocalization. And of course, people who grew up Catholic or other cultures or other notions of music, they rely on what they know. But somehow it all comes into this moment mm-hmm. and all transforms into the space. And for me, that's the closest I can kind of get to. So I'm really happy that you brought that up, Anissa. Oh, thank you, Carol. I'm happy that you brought it too. Et je peux directement faire le lien avec le projet, l'autre partie de ce projet. Donc il y a cette émission radiophonique sur les bénédictions. Et l'autre projet qui s'appelle Zegen, c'est une performance vocale qu'on fait de Yu-Yu qui a été créée avec Myriam Van Imscoot, qu'on a créée pour la première fois pour Berlin. Et donc on est quatre femmes à faire une performance avec les Yu-Yu. Et les silences. Et c'est l'idée qu'on transforme, qu'on travaille avec l'espace, l'architecture d'un lieu, et qu'on transforme avec nos voix cet espace. Et en plus, on rajoute une intention, c'est qu'on fait des you-you dans le but de bénir l'endroit. C'est ça le projet Zegen. Zegen, je crois qu'en néerlandais aussi, ça veut dire bénir. Il y a bénir, bénédiction, mais le Zegen est néerlandais. Oui. C'est bénédiction. Oui, hein. La et bénédiction. En allemand aussi, c'est. Oui, la traduction, c'est bénédiction, et ça traduit en flamand, c'est Zegen, et en allemand, c'est aussi Zegen. Voilà, et comme on l'avait créé pour Berlin, on s'est retrouvés au Gropiusbau, qui est un musée à Berlin, côté est, je crois, et qui est à côté de vieux restes de murs, mais qui est en plus à côté du musée de la terreur. Donc, c'est un endroit très chargé. Et donc, on arrive dans cet immense espace, architecture Bauhaus, comme ça, avec un toit en verrière. Et c'est les plus beaux sons qu'on a jamais eus, vraiment. Et là, on s'est vraiment appliqué à entrer en communication, si je peux dire, avec l'espace et l'histoire de cet espace à côté du musée de la terreur. Et je trouve que c'était magique de faire des yu, qui est une tradition plutôt moyen-orientale, enfin, qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Mais ici, on est quatre femmes, on était quand même trois femmes marocaines sur les quatre. En tout cas, moi, c'était magique de lancer des grands yu dans ce musée qui, à mon avis, n'en avait jamais reçu des yu et d'être là avec cette intention de bénédiction très forte. Et ça dure quand même 12-13 minutes. Et le son, c'est les yu ou du silence. Et les silences sont très grands au début et se réduisent jusqu'à ce qu'on arrive à une espèce de spirale de son à la fin. Voilà, ça c'est l'autre projet Zegen, donc c'est une autre manière de pratiquer, on va dire artistiquement, les bénédictions. Et alors, est-ce que vous avez béni l'espace qui se trouve au-dessus de la médiathèque, puisque vous avez chanté avec les you-you avant-hier? Caroline, il y a une... Oui. Oui, je trouve, peut-être, ouais, okay. Ouais. L'espace ne doit plus être le même. On a vu. Ouais, je demande à Tiffany parce qu'elle était en haut dans son appart. Oui, mais je vous ai entendu, enfin, de toute façon, depuis que j'ai entendu parler de vos projets du groupe You You grâce à la radio, du projet Zegen, ça me passionne. Et en tout cas, je crois fort au pouvoir du chant. De chanter ensemble, ces métamorphoses de l'atome. Je crois aux prières de ma grand-mère, je crois aux prières qu'on pratique dans le chamanisme aussi et qui viennent avec cette question des intentions, apporter le bien là où on peut et où on veut. Et c'était hyper chouette. Moi, je me préparais à aller à un autre cercle de chant à l'autre bout de la ville, à affronter le froid pour aller chanter en cercle. Un projet qui s'appelle Chant pour tous et les Circle Song. Et donc, c'est vraiment chanter et improviser en cercle ensemble. Et c'était super beau de me préparer à affronter le froid et de vous entendre échauffer vos voix et commencer à faire les you-you. Et oui, enfin, je. Comme une impression, comme ça, que cette beauté et cette belle intention, elle traverse les murs, l'espace, et qu'elle vient envahir de bonheur cette maison magique. Oui. Et les femmes, elles sont un peu... Oh non, on ne peut pas, il y a des gens qui habitent en haut. J'ai dit, mais je... I told them, vous êtes bienvenus, ça va. Alors aussi. Ok, maintenant. Je pense à un autre extrait de mon ami Muriel, mm-hmm. qui parle de la force de la parole, un témoignage de Muriel sur la force de la parole, parce qu'on a beaucoup parlé de chant, mais là c'est de la parole. Insister sur la force de la parole. Quand j'avais une vingtaine d'années, je suis partie en Afrique, au Sénégal, pour faire mon mémoire sur les griots. Et. J'ai pu rencontrer à la suite de ce voyage Sotigui Kouyaté, qui est devenu comme mon deuxième papa, mon papa de cœur, mon papa de théâtre. Et on a beaucoup parlé avec lui de cette force de la parole que j'ai aussi étudiée en Afrique de l'Ouest comme étant une force d'une puissance qu'on a beaucoup oubliée ici, je crois. Donc la force du mot qui peut te tuer comme il peut te bénir, comme il peut te faire du bien, comme il peut te faire du mal. Mais là-bas, c'est très concret, c'est une évidence. Et Sotigui me disait un jour que dans la région du monde dans laquelle il a grandi, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il a été dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, eh bien là-bas, quand tu donnes ta parole, tu donnes ta moelle, tu donnes ton être profond, et si tu donnes ta parole, tu as dit quelque chose, tu le fais. Parce que sinon... C'est une humiliation terrible. Tu ne peux pas reprendre cette parole facilement. C'est un engagement. C'est quelque chose de profondément honnête. C'est toi que tu donnes. Et puis il est arrivé en Europe. Il a commencé à travailler ici. Et donc, il donne sa parole à quelqu'un qui lui dit « Attends, tu vas me signer un papier. Et on parlait de ça avec Sotigui pour parler de la différence entre cette culture de l'oralité et notre culture où maintenant, quelque part, on n'a plus de parole. Il faut signer un papier. Tu l'entendras plus tard. Ah, voilà. Voilà. C'était l'extrait de Muriel, avec Muriel. Mathilde, tu voulais rajouter... Non, je disais qu'il y avait aussi encore un autre extrait de Muriel, mais peut-être qu'on pourra l'écouter plus tard ou l'intégrer pour la version podcast voilà, qui existera là, de cette émission. Voilà, parce que là, on parlait de bénédiction. Mais qui dit bénédiction, bien dire, bénédire... Enfin, je parle pas du tout latin, mais littéralement, c'est bien dire. Il y a évidemment... malédiction, mal dire, mal porter. Et là, ça fera l'objet peut-être, je ne sais pas, d'une autre émission. Comment se protéger des malédictions et, avec les bénédictions. Avec les bénédictions. Parce que la bénédiction, ça peut être préventif, ça peut être à n'importe quel moment. Mais les protections, c'est quand le mal est là ou quand le mal va arriver. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Voilà, j'embrasse très très fort Valérie qui nous écoute, qui devait être là justement pour nous parler d'amulettes, d'objets de protection et qui est vraiment clouée au lit. Donc je l'embrasse. Oui, on aura l'occasion de l'écouter dans le podcast. Et je pourrais se souhaiter quelque chose. Eh ben que ça continue, que des moments comme ça de partage très présents, très incarnés avec des gens magnifiques et se reproduisent, se fassent, que ça continue. Vraiment, moi, quand je suis dans des moments comme ça, j'ai envie de dire ma vie est trop belle, vraiment. Alors que je peux vous dire que j'avais, c'était un stress énorme. Voilà, je suis tellement émue et contente de cet après-midi avec toutes ces belles personnes. Je vous remercie tous, vraiment Mathilde, Caroline, Clément, Tiffen, Yoris, Ruxana, Muriel, Valérie, Badin. Je voudrais remercier... pardon ? Notre Myriam adorée. Myriam Van Imscoot, à cause de qui tout ça se passe. Vraiment, je lui dis plusieurs fois, je ne sais pas si elle se rend compte des graines qu'elle a plantées, de toutes les vies qu'elle a transformées. Et je le dis vraiment pas juste pour le faire plaisir. Je connais une bonne trentaine de femmes qui pourraient le dire. Déjà, les femmes du groupe You You. C'est incroyable, tout ça à partir du You You. Et voilà, je te remercie et je t'embrasse très, très fort. Myriam qui nous écoute depuis l'Australie. Et puis je dois remercier Darna qui nous a subsidié pour ce projet de recherche. J'ai pu aller au Maroc enregistrer ma famille et encore tellement de choses que je voudrais faire écouter que j'ai enregistré. Voilà, je remercie donc Darna et tous ceux qui ont contribué à ce projet. Sarah, mes tantes, Fatima, Zohara, Shema, voilà, enfin tout le monde. Voilà, la liste est longue. Et ben on a encore plein de choses à partager, et ça se fera. Et je voudrais terminer avec Caroline. On va faire deux très beaux you-you pour terminer cette émission. En tout merci cas, à nous... tous. Je voudrais remercier évidemment Chanson pour tous, Ngué, la médiathèque, Mathilde, tout le monde, sans qui franchement j'aurais pas pu non plus assurer et faire toute cette émission. Votre accueil, le professionnalisme, la technique, tout. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, Anissa. Nous te bénissons d'avoir organisé cette émission cet après-midi. Miroir. Si je peux me permettre. Miroir. Je vous renvoie la bénédiction. On envoie les you-you. On envoie les you-you. Fantastisch, zeg. Het is wel schoon. Ja. Dank je wel. We moeten nu gaan zien, hè? Ja, we moeten nog trainen. Ja, maar het is sautis ni en tout mais sal en béni pas baisser comme un niveau. fosse, messie pou evite les coups bas sa logique. Mon de moi qui sont en café, en qui répondent, et puis en y a billet fait emoji. Faiblesse procédure et c'est humaine, ça impossible paraît senti sentiment. Ça tend du gros jeune si humaine, les erreurs du passé sont mes sentinelles. Si vous y connaissez tout en moi, ça bizarre, pas senti dans moi, toute bague est brisée. Mais je me trompe avant de partir le matin, je mets mes plus beaux habits. Roche tombé au jardin, moi, middle finger, et c'est pissé. Pas même moi pour pas moi, vitamine, c'est quelque chose par jour pour mener la vie saine. En lampade, en poche prince, et toutefois en t'effet fausse route. En pambi, grand joker, en cas sorti, si ni en doute. Ça a vu la vie arrête, mais ça t'est plié, puis ça qui ça ouvre tout, mais à t'es pas oublié. Baguette capitale. En béni, en béni, en béni, en béni, en béni, en béni, en béni, je m'en dis pas qu'à périr en linge sale. En vrai, si yo t'es ça va qui point, yo peut parler, yo peut parler. Spéculation c'est beau père, à tout cas pour plier, au père, au plier, qui est calé. La vérité est dans la bouche des membres puis aux parents qui connaissent pas le répit. Manger un assiette, poche la rêve, ta dada, la mate, c'est un artiste. En lampade, en poche prince, si toutefois on t'a fait fausse route. En plan plus grand joker, en passant ici ni en doute. Ça a vu la vie arrête, mais ça t'est plié, puis ça qui ça ouvre tout, mais à t'es pas oublié. En plan plus grand joker, en cas sorti si ni en doute. Ça a fait la vie arrête, mais ça t'est plié. Puis ça qui ça ouvre, vous me hâtez pas oublié en baguette capitale. And this is also beautiful because we are speaking about religion. Psalm, it's 400 years old. No. 400 years old. And the man who composed this song, he composed the national hymn of Holland. Oh. It's him, his name is Datteen. And in Holland, it's called